La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. On va parler de hockey, on va parler de Christian Ouellet qui a terminé sa saison en France. Question de savoir un peu comment ça avait été, parce que la dernière fois qu'on y avait parlé, c'était au fait, et ça avait bien été. Par contre, il était actuellement il avait commencé un début de saison chancelant, question de forme. Mais quand on y a parlé, ça allait bien. On va savoir la fin de la saison comment ça a été. Salut Christian! Salut, ça va? Oui, ça va bien. On te rejoint en France encore. Tu vas arriver à Jonquière dans les prochains jours. Christian, la dernière fois que je t'ai parlé, c'était durant la période des fêtes, et ça avait bien été, puis là, finalement, ça commençait à bien aller. Puis là, comment ça a été, là, la fin de la saison? Ça a super bien été. Je pense que quand je suis revenu des congés des fêtes, j'ai joué un match, et puis j'ai eu une petite blessure là qui m'a arrêté pendant quelques semaines. Mais non, on a eu l'équipe, on a eu des hauts, des bas après ce temps-là. Là, après le temps des fêtes, on a quand même été l'équipe qui était en première position depuis le début de l'année. Et puis, ça a été un peu plus dur après Noël, mais on s'est ressaisi. Puis, on a fini champion, on a fini premier, on a eu l'avantage de l'Atlas. Et puis, ça a porté fruit parce qu'on jouait les 3-5 en playoff et le cinquième match en finale, on le jouait à la maison contre Brest qui était à la deuxième position. Alors c'était très important de finir premier, puis on l'a vu pourquoi. Là, en finale, on avait 2000 personnes derrière nous, puis la ville était hockey. Alors c'était vraiment une belle fin de saison et c'était un beau trip. OK. Dis-moi, normalement, quand le championnat européen, ça marche pas du tout comme ici, là, c'est que t'as le système de relocalisation. Vous avez gagné le championnat, est-ce que ça veut dire que là, vous allez être en première division, la Ligue Magnus qu'on connaît le plus au Canada, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est en plein ça, en fait, ouais. Ça faisait 4 ans que l'équipe visait pour justement monter en Ligue Magnus, et puis là... Ça a été la bonne cette année. Et puis, c'est ça, c'est plus de matchs, donc plus de budget, plus de commandites, plus de... c'est ça, plus de matchs. Déjà là, on en jouait 26, ça va passer à 44. Oh, OK. Les playoffs, c'est les 8 premiers qui font les playoffs. Après ça, tu peux jouer les play-downs, qui est une formule de playoffs, mais pour rester en Ligue Magnus et non descendre en division 1. Alors, c'est autre chose, et puis des très bons joueurs en Ligue Magnus. OK. Si on parlait maintenant, mais ça veut dire plus de budget également, plus de... Ça veut-tu dire que votre aréna va être agrandie, parce qu'il va avoir, j'imagine, plus de matchs aussi? Ouais, non. En fait, non. On a quand même une petite patinoire, mais qui est toujours quand même assez plein, mais ça va passer 22 matchs à la maison au lieu de... Ouais, au lieu d'en avoir... on en jouait 13 à la maison, alors... ça va être... ils ont des matchs en semaine, des fois trois matchs durant la semaine, alors... c'est quand je dis plus de budget, c'est parce que, tu sais, pour attirer des bons joueurs... Ouais. Sûr que ça te prend un peu plus d'argent, puis c'est ça, là, c'est plus de sponsors aussi, il faut qu'ils rentrent, et puis c'est différent, là, tu sais, t'as vraiment besoin d'avoir... Ouais, Christian, donc, ce qu'on dit, c'est que t'as joué dans la Ligue Magnus il y a 2 ans, t'as joué dans la Ligue Nord-Américaine également, on dit que le calibre, ça ressemble pas mal, donc j'imagine que tu vas être bon pour jouer dans la Ligue Magnus, pas de problème. Ouais, non, c'est sûr, certain, je pense... Les Magnus, c'est du hockey, c'est comme les autres, c'est de l'entraînement. Les Nord-Américains ont le calibre est très bon joueur de hockey. C'est juste, t'as pas la chance de t'entraîner 5 fois par semaine et d'avoir des entraînements physiques. Alors, je pense qu'il y a une petite différence de ce côté-là, mais non, je pense que l'équipe peut être compétitive. Puis, OK. 44 matchs, c'est mieux que 26, hein. C'est plus, ouais. plus de matchs, moins d'entraînement. Avez-vous plus le droit de recruter des étrangers dans votre ligue, Magnus, que dans votre... Oui. Ouais. Magnus, ça reste comme la division 1, en fait. Tu dois avoir un certain nombre de joueurs français et puis... Un certain nombre de... Ben non, en fait, tu dois avoir des joueurs importés qui appellent. Ouais. Puis tu dois avoir, je pense, qu'il y ait 10 joueurs français et un gardien de but français. Ouais. Toi, ta saison, comment que ça a été? Là, si ça va bien été, on est rendu en première division. Ta saison à toi, on se rappelle au fait, tu m'avais dit, j'ai trouvé ça dur, j'étais pas nécessairement en forme, mais ça va se replacer. Ça a-tu bien été, la deuxième partie de la saison? Ouais, je pense c'est sûr que la blessure qui était un petit peu plus tannante, mais non. La saison, on a une bonne comme je te disais tantôt, on a fini premier. Depuis le début, on était premier. Dans ce temps-là, quand t'as une bonne équipe, tout est plus facile, tout est plus rose. Fait que c'était c'est sûr, certain que plus la saison avançait, plus ça allait, je me sentais mieux. Puis en playoff, on avait une équipe, on était vraiment en mission, puis je pense que ça a vraiment été une contribution de toute l'équipe, parce que la première ligne marquait, après ça c'est la troisième ligne qui prenait le dessus sur le deuxième match, puis les gardiens faisaient des gros matchs, je pense qu'on a vraiment, c'est vraiment tout au long de l'année, ça a vraiment été toute l'équipe qui a contribué, puis on était vraiment solide là. OK. Tu t'en vas, l'année passée, par les dates, tu avais été en Australie, tu avais été joué dans la Australian Hockey League. Est-ce que cette année, tu y vas? Non, je ne retourne pas en Australie. Je vais prendre un repos, là. Ça va faire... Demain, ça va faire un an que je suis parti de la maison. Alors, je vais en profiter pour retourner voir la famille, les amis, relaxer, puis faire une bonne préparation cet été pour revenir plus fort. OK. Ben, Christian, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment, cette année. Tu retournes. Félicitations pour ta belle année. Puis bon été au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Saint-Bruno. Puis on va sûrement s'en reparler l'an prochain. Yes, merci. Christian Ouellet, l'enseignement des Marquis Joncaire, qui évolue en France dans la Ligue 2e division, qui va passer en Ligue Magnus l'an prochain.